C'est bien une chose dont on peut avoir peur. Ah bah c'est bien le diable. Ouais. Laisse-moi te conter l'histoire d'un gars.